إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 7 dans la lecture du livre de l'explication de Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam, c'est un livre de hadith et c'est un livre de hadith qui est concentré sur les règles de la charia. Yani Ahadith ul Ahkam. C'est écrit par le Cheikh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi, un grand savant de hadith. Donc, au dernier cours, bon, on est toujours dans Bab al-Tahara, c'est-à-dire la purification. Au dernier cours, on a expliqué qu'est-ce qui a rapport avec le wudu. On a expliqué qu'est-ce qui a rapport avec le wudu. Maintenant, on rentre dans un autre hadith qui explique certains détails qui sont également reliés avec le wudu. Donc, c'est le hadith numéro 10 dans le livre, avec l'explication, bien entendu, du Cheikh Abdullah al-Bassam, qui était l'élève de Cheikh al-Sa'di, Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah. Donc il dit, وعن نعيم ابن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. رواه مسلم. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. نعم. Donc ici ce hadith, on va le traduire maintenant pour comprendre sa signification. Il dit, c'est rapporté selon Nu'aym al-Mujmir, selon Abi Huraira radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes ma umma sera appelée au jour de la résurrection ghurran muhajjalin. Donc ça, c'est deux termes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employés. Ghurran muhajjalin. Et ghurran, on va l'expliquer tout à l'heure, mais je vais juste le mentionner pour que ce soit clair par rapport au hadith. Ghurran, c'est un terme qui signifie une blancheur qu'il y a sur la tête d'un cheval. Tu vois, donc un cheval, quand il a par exemple une tache blanche au devant de son front, on l'appelle, on dit de cette tache blanche ou de ce cheval qu'il est ghurran. Et muhajjalin, c'est-à-dire que un cheval qui a des taches blanches sur ses pattes, hein, ou sur ses pattes, quand il a des taches blanches sur ses pattes, on dit qu'il est, hein, on dit de ces chevaux-là qu'ils sont muhajjalin. Donc, les croyants, eux aussi, au jour de la résurrection, ils vont être appelés au jour de la résurrection et ils vont être comme ça. C'est-à-dire, la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils auront cette caractéristique qu'ils auront des marques blanches, hein, des parties de leurs membres qui vont être illuminées, qui vont être blancs et éclatants à cause des traces de l'ablution, à cause des traces du wudu. Donc, dans le hadith, ensuite, ça dit, et celui donc qui est capable d'étendre, hein, cette blancheur, alors qu'il le fasse. Ça, c'est rapporté. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre narration, une autre version de ce hadith, c'est mentionné qu'il dit, j'ai vu Abu Huraira qui faisait le wudu et il a lavé son visage et ses deux mains jusqu'à ce que il a presque atteint son épaule et il a lavé ses pieds et il a monté jusqu'à sa jambe, hein, jusqu'à le sac, c'est le bas de la jambe. Puis il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, ma umma sera appelée au jour de la résurrection avec des marques blanches sur le visage et sur les membres à cause des traces de l'ablution du wudu. Alors celui d'entre vous qui est capable d'étendre ces marques blanches sur son visage et sur ses membres, alors qu'il le fasse. Ça, c'est la version de Muslim. Et dans une autre narration également de Muslim, c'est dit, j'ai entendu mon ami, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait que les décorations ou les parures, c'est-à-dire ces marques blanches, vont atteindre chez le croyant ou sur le croyant ce que le wudu a atteint. Les marques vont atteindre ce que le wudu a atteint. Ça, c'est rapporté par Muslim également. Donc, les termes du hadith qui sont un peu plus rares, qui sont mentionnés dans le livre, yud'aoun, mabni lil-majhoul, yunadawna, nida'a tashrifin wa takrim. Donc, yud'aoun, c'est la forme passive, du fait d'appeler, donc ils seront appelés. Et il est sous la forme, comme on dit en arabe, mabni lil majhoul, c'est-à-dire que on ne sait pas qui est le sujet, parce que le sujet est pas mentionné dans l'appel, c'est-à-dire on ne sait pas qui appelle, mais on dit qu'ils seront appelés. Donc on appelle cette forme en français la forme passive. La forme active, c'est lorsqu'on mentionne le sujet. Hein, celui qui fait l'action, celui qui appelle. Donc ici dans le hadith, il est mabni lil majhoul, c'est-à-dire on ne sait pas qui appelle, mais il y a un appel qui est lancé, c'est-à-dire on appellera les croyants au jour de la résurrection. Et c'est un appel pour honorer, hein, et pour anoblir celui qui est appelé. Ghurran bi dhamm al ayn wa tashrif wa tashdid al ra. جمع أغر وأصلها لمعة لمعة بيضاء في جبهة الفرس فأطلقت على نور وجوههم. Donc غرّن, le cheikh il explique que c'est avec un dhamma sur le rein et le ra il est mushaddad. C'est-à-dire, il y a une shadda sur le ra. Donc, c'est ghurran. C'est le pluriel de agar, qui signifie un éclat, quelque chose qui est blanc et qui est éclatant dans le visage du cheval, une trace blanche et éclatante sur le visage du cheval, et c'est pour dire que les croyants auront cette lumière dans leur visage au jour de la résurrection. Ils auront cette lumière au jour de la résurrection. Et justement, je ne sais pas où est-ce qu'il est, la traduction, elle est l'autre côté. Juste là, le petit mushaf, ouais, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Donc c'est ça, il y a dans Surat al-Hadid, il y a un verset qui parle de ça, qui fait référence à la lumière que les croyants auront au jour de la résurrection. Puis cette lumière-là, c'est spécifique à la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Surat al-Hadid. Dans Surat al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne justement que les croyants, ils auront la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 13, dans Surat al-Hadid, ou bien plutôt le verset 12, يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Donc, qu'est-ce que ça signifie ces versets 12 à 15? C'est le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. On leur dira, voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. C'est-à-dire que les munafiqoun, eux, ils arrivent au début, ils ont une lumière. Mais cette lumière s'éteint. Alors ils disent aux croyants, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Il leur sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. Alors qu'on éleva entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment de l'enfer. N'étions-nous pas avec vous, crieront-ils ? Oui, répondront les autres. Mais vous vous êtes laissé tenter, vous avez comploté contre les croyants, vous avez douté et de vains espoirs vous ont trompé jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah et le séducteur, c'est-à-dire le shaitan, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui donc, on n'acceptera de rançon ni de vous, ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le feu, c'est lui qui est votre compagnon inséparable, et quelle mauvaise destination. Donc ça donne un peu l'idée de qu'est-ce qui se passe, yani, ça donne un peu l'explication de qu'est-ce qui se passe au jour de la résurrection avec la lumière, yani, et comment les croyants sont distingués des munafiqin aussi par rapport au jour de la résurrection, par rapport à ça. Naam, muhajjalin, donc on a expliqué le mot ghurran, maintenant le mot muhajjalin, ça vient du mot tahjil. التحجيل إلى الشيخ الذي من التحجيل وهو بياض يكون في قوائم الفرس. Donc c'est une blancheur qui est sur les pattes, sur les pattes du cheval. والمراد به هنا نور النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة تشبيها بتحجيل الفرس. C'est-à-dire que les croyants auront des lumières également à ces endroits-là, à même aux endroits où les chevaux ont des lumières, où des chevaux ont de la blancheur sur leurs membres, donc les croyants auront ça. Et c'est pour faire une ressemblance entre la blancheur qui est sur les pattes des chevaux et la blancheur que les croyants auront sur leurs membres, les membres sur lesquels ils font le wudu. les mains et les pieds, et leur visage qui sera illuminé. Ensuite, il dit al-wudu bi dam al-waw wa huwa al-fi'l. Donc al-wudu, c'est l'action de faire l'ablution. Wa min athar al-wudu yani 'illatun lil-ghurra wa at-tahjil. Donc les lumières ou l'éclat ou la lumière qui sort des membres des mu'minines, elle vient de quoi? Elle vient des traces laissées par l'ablution qu'ils faisaient dans la dunya. Donc al-ma'na al-ijmali yubashshiru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ummatahu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yakhussuhum bi 'alamatin بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم حيث ينادون يعني فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور سبحان الله. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il annonce à sa umma que Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner un signe distinctif et particulier de mérite et d'honneur au jour de la résurrection. Et ils seront, on pourra les distinguer de toutes les autres nations au jour de la résurrection par ce signe-là. Hein? Donc, ils vont être appelés parmi toutes les créatures et leurs membres, leurs visages et leurs mains et leurs pieds vont s'illuminer de lumière. Subhanallah. وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة. Donc ça c'est les effets d'avoir fait cette grande adoration, c'est-à-dire l'ablution et le wudu, qu'ils ont répété sur ces membres, sur ces nobles membres, en recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et en recherchant également sa récompense. Et donc la rétribution a été pour eux cette particularité glorieuse et immense qu'ils auront ce jour-là, au jour de la résurrection, qui les distingue de toutes les autres créatures. Et ça, ça fait partie de l'honneur et du mérite de faire partie de la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثم يقول أبو هريرة من قدر على إطالة هذه الغرة فليفعل لأنه كلما طال مكان الغصن من العدو طالت الغرة والتحجيل لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ما الوضوء. D'accord. Donc il dit, puis ensuite Abu Huraira dit, la quantité ou la proportion de blancheur ou de lumière, si quelqu'un est capable de la faire agrandir, qu'il le fasse. Parce que plus que l'endroit où tu laves dans ton ablution sur le membre est grand ou est allongé, et bien plus que l'éclat sera allongé ou prolongé. Et elle atteindra ou elle ira jusque là où l'eau arrivait dans ton ablution. Donc ça c'est le hadith et la parole de Abu Huraira à ce sujet. Maintenant on va voir qu'est-ce qui a été dit à propos de ce hadith là comme divergence entre les ulama dans la compréhension du hadith, ok? Et à ce sujet justement il y a quelques divergences dans la façon de comprendre, et ça c'est très important aussi de bien le comprendre également. Donc le cheikh il dit al-khilaf fi italati al-ghurra, la divergence au sujet du fait de prolonger la lumière ou la proportion qui sera illuminée. اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب. Donc les savants ont divergé sur jusqu'à où est-ce que tu peux dépasser les limites de ton ablution lorsque tu laves ton visage et tes mains et tes pieds dans le wudu. La majorité des savants ont pris la position que cela est quelque chose de recommandé, mustahab, recommandé. En agissant selon ce hadith, bien entendu, il y a entre eux à ce sujet une divergence par rapport à la limite qui est recommandée. C'est jusqu'où? Jusqu'où est-ce que c'est recommandé d'arrêter? Et ils ne sont pas d'accord sur ça. Il dit « Zahaba Malik wa riwayatun an Ahmad ila adam istihbab mujawazati mahall al-fard » Tandis que l'imam Malik et une narration parmi les narrations de l'imam Ahmad considère que ce n'est pas recommandé de dépasser l'endroit qui est obligatoire de laver dans le wudu. Qu'il faut s'arrêter là où yani, c'est mentionné dans les textes qui parlent de faire l'ablution. Tu ne dépasses pas qu'est-ce qui est obligatoire de laver. Et ça, c'est une position qui a été choisie en particulier par l'imam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et notre cheikh, le cheikh al-Sa'di. Ça, c'est ce que le cheikh il dit. « Ikhtarahu cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim wa cheikhuna Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'di. » Donc, eux, ils ont supporté cette position de l'imam Malik et de l'imam Ahmad, selon une des narrations de l'imam Ahmad. Et il dit, ils ont supporté cette opinion-là par ce qui suit. Donc, ils ont mentionné 5 arguments pour supporter ce point-là. Yani, ayyadu ra'yahum bima ya'ti. Donc, il y a 5 arguments, je vais les énumérer un après l'autre. Et on commence donc avec le premier argument. Il dit, mujawazatu mahall al-fard ala annaha 'ibadatun da'wa tahtaju ila dalil. والحديث الذي معنا لا يدل عليها وإنما يدل على نور على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit le fait de dépasser l'endroit qui est obligatoire de laver dans le wudu et de prétendre que cela est une adoration est une prétention qui nécessite une preuve. Est une prétention qui nécessite une preuve. C'est-à-dire il faut une preuve pour dire que yani, c'est légiféré de dépasser l'endroit obligatoire dans l'eau. Et le hadith en question qu'on a lu, il ne prouve pas que c'est légiféré ou que c'est permis de dépasser la place qui est obligatoire de laver dans l'eau. Mais le hadith indique seulement qu'au jour de la résurrection, il y aura une lumière sur les membres qui ont été lavés dans l'eau. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'il dit après le cheikh? Il dit وعمل أبي هريرة فهم له وحده من الحديث ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح. Donc il dit l'action ou la pratique de Abu Huraira d'étendre son wudu jusqu'à son coude, jusqu'à son épaule pardon, et jusqu'à sa jambe. Le cheikh, il dit ça, c'est une compréhension qui est spécifique ou particulière à Abi Huraira. Et on ne doit pas prendre cette compréhension-là de sa part, alors qu'on a d'autres preuves qui viennent en opposition avec ce qu'il a dit. D'accord? Donc, le cheikh, il explique, ça c'est le premier point, et non, mais on n'a pas fini. Il y a une dernière phrase, il dit, « Amma qawluhu ». فمن استطاع إلى آخره رجح أنها مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne la partie du hadith où Abu Huraira a dit alors celui qui est capable d'entre vous de prolonger sa blancheur alors qu'il le fasse. Ça les ulama de hadith ont dit que cette partie là du hadith elle est mudraja. C'est-à-dire que c'est pas la parole, c'est pas, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire que c'est pas la parole de Abu Hurayra, c'est-à-dire que ce n'est pas la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la parole de Abu Hurayra. D'accord? C'est mudraja. Donc, c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole de Abu Hurayra. D'accord? Et donc, dans le hadith en question, il n'y a rien qui prouve qu'on doit prolonger l'endroit qu'on lave dans le wudu. D'accord? Deuxième point. Le cheikh, il dit, لو سلمنا بهذا لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس وهو لا يسمى غرة فيكون متناقضا. Donc deuxième point, si on dépasse la limite du visage dans le wudu, si on dépasse la limite du visage dans le wudu, on a expliqué déjà que la limite du visage, c'était de l'endroit où les cheveux commencent jusqu'au menton, ça c'est la hauteur, puis la largeur d'une oreille jusqu'à l'autre. Donc ça c'est la délimitation du visage. Si on devrait étendre le wudu, hein, pour le visage, ça voudrait dire qu'on devrait commencer à mettre de l'eau même dans les cheveux, au dos du visage. Et ça, bien entendu, ça c'est quelque chose qu'on n'appelle pas ça de la lumière. Ce ne sera pas la partie éclairée. Hein? Ce n'est pas ça qui sera éclairé. Et donc, ça montre la contradiction de ce qui est dit, yani, du fait d'étendre l'endroit de la lumière. Na'am. Après, il dit, Walam yunqal. Ça, c'est le point numéro 3. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم فهم هذا الفهم أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله. Le point numéro 3, c'est qu'il n'a été rapporté par aucun d'entre les Sahaba cette compréhension-là autre que de la part de Abi Huraira. C'est-à-dire cette compréhension-là, elle n'a pas été rapportée par d'autres que Abu Huraira. C'est seulement Abu Huraira qui comprenait ça de cette façon et qui faisait ça. Et il dit, il n'y a personne qui dépassait parmi les Sahaba l'endroit qui était obligatoire de laver dans le wudu, hein, à part Abu Huraira. Puis il dit à la fin, il dit même que il a été rapporté de la part de Abu Huraira que lorsqu'il faisait ça, c'est-à-dire lorsqu'il prolongeait le wudu qu'il faisait, hein, en lavant le membre, il se cachait des gens pour pas que les gens trouvent ça étrange, qu'est-ce qu'il faisait. Donc il se cachait pour faire ça. Hein? Ça c'est la preuve que, yani, c'est pas légiféré de prolonger l'endroit obligatoire du wudu, le membre qui est obligatoire de laver et de faire plus que qu'est-ce qui est obligatoire. Le point numéro 4, inna kull al-wasifin li wudu' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yadhkuru illa annahu ghassala al-wajh wal-yadayn ila al-mirfaqayn wal-rijlayn ila al-ka'bayn wa ma kana liyatruka al-fadil fi kulli marratin min wudu'ihi kama wa qala fi al-fath لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة وغير رواية نعيم هذه. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Le point numéro 4, il dit que tous ceux qui ont fait la description du wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a aucun d'entre eux qui a expliquer ou mentionner qu'il fallait laver plus que le visage et les mains jusqu'au coude et les pieds jusqu'à la cheville dans tous les autres hadiths. Et on a lu deux hadiths déjà dans le livre avant celui-là qui décrit le wudu complet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois il mentionne de laver le bras jusqu'au coude, hein, le bras droit et le bras gauche jusqu'au coude, et de laver les pieds jusqu'à la cheville. Il n'y en a aucun qui a mentionné de laver jusqu'à la jambe ou de laver le bras jusqu'à l'épaule ou en dessous des bras ou des choses comme ça. Donc personne n'a rapporté ça. Et si donc, c'est-à-dire que si c'était quelque chose qui faisait partie de qu'est-ce qui était mieux à faire ou qu'est-ce qui était bon à faire dans le wudu, eh bien, il l'aurait mentionné au moins une fois dans le wudu qui est complet. Et il dit que l'imam Ibn Hajar al-Asqalani a dit dans Al-Fath, Fath al-Bari, une explication de Sahih al-Bukhari, il dit, je n'ai pas vu cette phrase dans aucune autre narration de ceux qui ont rapporté le hadith de la part des sahaba, et ils sont 10. Il y a 10 autres narrations de ce genre par les sahaba, et il n'y en a pas aucune autre qui mentionne celle-là, excepté ce que Abu Huraira a rapporté de la part de Nu'aym, cette narration qu'on vient de mentionner. Donc, toutes les autres narrations, dans toutes les autres narrations, il n'y en a pas une qui mentionne le fait de prolonger l'endroit qu'on lave dans le wudu. Ensuite, le point numéro 5, Al-Ayatul Karima تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين وهي من أواخر القرآن نزولا وإليك نص كلام ابن القيم في كتابه حادي الأرواح قال أخرج في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. Donc le cheikh il dit comme point numéro 5, le verset dans sourate Al-Ma'ida qui mentionne la question du wudu, dans le verset en question, il mentionne de laver les bras jusqu'au coude et de laver le pied jusqu'aux chevilles. Il n'y a rien qui mentionne dans le verset de dépasser plus que ça. Et ça fait partie des versets qui ont été révélés en dernier dans le Coran. Hein, parce que surat al-Ma'ida, c'est une des dernières surahs qui a été révélée dans le Coran. Et ensuite, il dit, et voici la citation même de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre, Hadi al-Arwah, lorsqu'il dit que l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté, et la version ici c'est celle de Muslim, qui dit, selon Abi Hazim, il dit, j'étais derrière Abu Huraira alors qu'il faisait le wudu pour la salat, et il prolongeait le lavage de sa main jusqu'à ce qu'il arrive sous son bras. C'est-à-dire, il faisait son wudu, il avait son bras pour la salat, puis il allait jusqu'en haut ici. Et aller jusqu'à son dessous de son bras, jusqu'à presque son épaule. Alors, il a dit, « Oh Abu Huraira, qu'est-ce que c'est que ce wudu ?»« Hein? Oh Abu Huraira, qu'est-ce que c'est que ce wudu ?» Alors, Abu Huraira a dit, « Ya Bani Farrukh !» Et ça c'est comme une appellation qu'il dit, en note de bas de page, il dit que c'était parmi les enfants d'Ismaïl, parmi les enfants de Ishaq et Ismaïl. Farrukh, il dit, c'est quelqu'un qui est né min waladi Ibrahim. Il dit que Farrukh, c'était parmi les enfants de Ibrahim après Ishaq et Ismaïl. Il a eu beaucoup d'enfants. Donc c'est ça. Donc en tout cas, je ne sais pas pourquoi ils appellent comme ça. Il a dit, ya Bani Farrukh. Il dit, ah, vous êtes là? Comme si, oh Bani Farrukh, ah, vous êtes là? Hein, comme s'il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un. Il a dit, si j'aurais su que vous étiez là, j'aurais pas fait ce wudu. Mais il dit, j'ai entendu mon ami dire que la parure ou la lumière va atteindre l'endroit où avait touché le wudu, hein, de la personne lorsqu'elle faisait son wudu. Il dit, وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهَذَا مَنْ يَرَ اسْتِحْبَابَ غُسْلِ الْعَضُدِ وإطالته وتطويل التحجيل وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين ثم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم فهذا يرد قولهم ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب وهو قول أهل المدينة وورد فيه عن أحمد روايتان والحديث لا يدل على الإطالة فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم ولا في العضد والكتف. Donc il dit le cheikh ensuite que ceux qui considèrent que c'est recommandé d'étendre le membre que tu laves dans le wudu, que ce soit dans le visage ou sur les bras et les pieds, ils ont utilisé ce hadith-là comme preuve. Ils ont utilisé cette narration-là comme preuve pour justifier ça. Et il dit que, ça c'est certain, parmi les Hanafiyas, les Shafi'iyas et les Hanabilas, hein, ceux qui sont dans ce madhab, certains savants de ce madhab ont préféré, ont considéré que c'était recommandé en se basant sur ça. Tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même se limitait uniquement à son visage et à ses bras jusqu'au coude et à ses pieds jusqu'aux chevilles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dépassait pas ça. Puis il a dit après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui rajoute à ça, alors il a fait du mal et il a été injuste. C'est-à-dire celui qui rajoute à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, il a fait un tort, il a fait du mal et il a été injuste. Donc ça, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient refuter ce que ces gens-là pensent, que c'est quelque chose de recommandé. C'est ce qui montre que de croire que c'est recommandé, c'est une erreur, que c'est incorrect. Il dit que c'est pour cette raison que la position correcte à ce sujet, c'est que ce n'est pas recommandé de prolonger l'endroit qui est obligatoire de laver et de faire plus. Et ça, c'est la position des gens de Médine. Et ça a été également rapporté dans une des deux paroles de l'imam Ahmad à ce sujet. Et il dit que le hadith ne prouve pas le fait de prolonger ou d'étendre l'endroit que tu dois laver dans le wudu, puisque al-hilya c'est comme un bracelet, okay? Un bracelet, une parure. Donc le bracelet, quand une femme porte un bracelet, elle le porte où? Elle le porte soit sur son bras ou sur son poignet, hein? pas dans son épaule. Donc c'est comme ça que le cheikh réfute ça comme ça pour dire c'est pas dans son bras ou bien dans son épaule qu'elle porte le bracelet, mais c'est ici ou dans son avant-bras. Le cheikh il dit ensuite wa amma qawluhu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al fahadhihi az-ziyadatu mudraja fi al-hadith min kalam Abi Hurayra لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك غير واحد من الحفاظ. Il dit en ce qui concerne la dernière partie du hadith, lorsque Abu Huraira dit celui qui est capable, donc celui d'entre vous qui est capable d'étendre cette blancheur, alors qu'il le fasse, eh bien il dit que cet ajout, elle est en fait la parole de Abu Huraira et non pas la parole du prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith. Et il y a plusieurs d'entre les mémorisateurs de hadith qui ont clarifié cela. Plusieurs d'entre les rapporteurs de hadith qui ont clarifié cela. Il dit wa fi musnad al-imam Ahmad fi hadha al-hadith qala Nu'aym fala adri qawluhu min man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al min kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam aw shay'un qalahu Abu Huraira min 'indihi. Donc il dit que dans la musnad de l'imam Ahmad, lorsque ce hadith est rapporté, selon Nu'aym, il dit à la fin, Nu'aym il dit après avoir rapporté le hadith, il dit je ne sais pas si la parole, c'est-à-dire la parole d'Abu Huraira, lorsqu'il dit celui qui est capable, donc celui d'entre vous qui est capable d'étendre sa blancheur, qu'il le fasse, Et al-ghurra, c'est par rapport au visage. Donc celui qui est capable d'étendre la blancheur de son visage, qu'il le fasse. Il dit Nu'aym, je ne sais pas si ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou quelque chose que Abu Huraira a dit de lui-même. Déjà ça implique qu'il y avait déjà un doute, même de la part du rapporteur du hadith, celui qui l'a rapporté directement de Abu Huraira. Et plusieurs narrateurs par la suite et rapporteurs par la suite, et parmi les ulama de hadith, ont confirmé justement et ont clarifié que ce hadith il est mudraj, hein, et que la parole en question c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin, mais que c'est la parole de Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit ensuite: وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس نعم تدخل في الرأس فلا يسمى تلك غرة. Donc il dit, notre cheikh, c'est-à-dire cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il a dit que cette parole, il n'est pas possible que ce soit la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que al-ghurra, c'est pas dans le bras. Al-ghurra, c'est seulement dans le visage. Al-ghurra, c'est pas dans le bras, c'est seulement dans le visage. Qu'est-ce qui est dans les bras, dans les jambes, c'est al-tahjil, et non pas al-ghurra, hein. Donc c'est pour ça qu'il dit ça, ça se peut pas que ce soit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que al-ghurra c'est pas dans la main, mais c'est uniquement dans le visage, et de l'étendre n'est pas possible. Tu peux pas étendre la blancheur du visage, hein, et de l'amener jusqu'à ta tête, hein, sinon ça rentre dans la tête, et on n'appelle pas ça ghurra. Donc ça c'est la fin de la parole de As-Sa'di, Cheikh As-Sa'di rahimahullah. Et donc ça vient conclure le chapitre de l'ablution et de la purification. Ça vient conclure le chapitre de la purification. Muhajjalin, ça vient du mot tahjil, et tahjil qui signifie les blancheurs qu'on retrouve sur les membres les pattes des chevaux, hein. Et le professeur Sam fait une analogie ou une comparaison entre les croyants et la lumière qu'ils auront sur leurs mains et sur leurs pieds et sur leur visage, avec al-ghurra qui est sur le visage des chevaux et al-tahjil qui est sur les pattes des chevaux aussi. Donc il compare les croyants à des chevaux qui ont des traces de blancheur, pour montrer que les croyants au jour de la résurrection, ils auront cette lumière là sur leurs membres. C'est ça. C'est un des signes distinctifs par lesquels on va reconnaître la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi toutes les autres nations qui ont eu des prophètes avant. Tous les musulmans vont l'avoir. Tous ceux qui ont été parmi les croyants. Et comme on a lu dans le verset, on avait lu le verset dans Surat al-Hadid, c'est que les hypocrites, au début, ils vont l'avoir. Puis que quand ils vont avancer, leur lumière va s'éteindre. Tu vois? Oui, c'est ça. Leur lumière va s'éteindre. Et là, ils vont demander aux croyants de leur donner un peu de lumière, et les croyants vont leur dire: retournez en arrière, cherchez votre lumière. Hein? Et naam. Donc, les ulama ont dit que ça, c'est un exemple de comment Allah subhanahu wa ta'ala se moque des munafiqin. Hein? كما الله سبحانه وتعالى يزيد عن سورة البقرة: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. C'est-à-dire ils essaient de tromper يخادعون الله والذين آمنوا, ils essaient de tromper Allah et les croyants, mais ils ne font que tromper eux-mêmes. Et dans un autre verset Allah dit يعني والله يستهزئ بهم وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Donc c'est ça. Ils se moquaient des croyants, et au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va se moquer d'eux. Hein? Il va les laisser s'aveugler dans leur égarement. Hein? Donc, quand Allah dit dans le Coran, dans le verset justement dans Surat al-Baqarah: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ On ne fait que se moquer. C'est-à-dire, quand ils sont tout seuls avec les croyants, ils disent on croit. Puis quand ils sont avec leur diable, les gens qui sont comme eux, parmi les koufars, ils disent yani, on n'est pas avec les croyants, on est avec vous, mais on ne fait que se moquer d'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu yastahzi'u bihim. Et Allah se moque d'eux. Donc, au moment où eux, ils pensent que ça y est, ils ont réussi, ils sont avec les croyants, ils ont de la lumière, ils avancent, et là, leur lumière s'éteint. C'est là que, yani, qu'est-ce qu'ils ont rusé contre les croyants, ça se retourne contre eux. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala ruse contre eux. Ce qu'ils faisaient, yani, d'hypocrisie, ça retombe contre eux. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, maintenant on rentre dans un autre chapitre. Il est quand même relié à la purification, mais les ulama le mettent dans un chapitre, une section différente. C'est Bab Dukhul al-Khala wal-Istitaba. C'est-à-dire le chapitre au sujet du fait d'entrer dans al-khala. Al-khala, c'est l'endroit où tu vas faire tes besoins. Wal-istitaba. Al-istitaba, c'est-à-dire le fait de te purifier et d'être propre. Hein? Donc on va expliquer qu'est-ce que le cheikh a dit à ce sujet-là. Il dit هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس ومن في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه والتحرز منها وهذا من أبواب كتاب الطهارة المذكور سابقا. Donc le cheikh il dit que ce chapitre, dans ce chapitre on va mentionner les étiquettes et les manières d'entrer yani aux toilettes, d'entrer à l'endroit où on fait nos besoins, et comment on doit s'y asseoir et comment on doit en sortir, et également on va mentionner comment se purifier et se nettoyer des impuretés qui sortent des deux endroits d'où sortent les impuretés de notre corps, que ce soit avec des pierres ou avec qu'est-ce qui peut remplacer les pierres, c'est-à-dire quand on se nettoie, hein, un istijmar, ou bien avec qu'est-ce qui peut prendre la place des pierres, comme de l'eau ou des papiers ou autre. Et également, comment faire pour se préserver des impuretés, pour éviter qu'elles tombent sur nous ou qu'elles sur nos vêtements ou des choses comme ça, puis de se préserver de ça. Donc ça, c'est un chapitre parmi les chapitres de la purification qu'on a expliqué dans le chapitre précédent. Ça fait partie de la suite de ça. Donc, le premier hadith qui est mentionné dans ce chapitre, c'est le hadith numéro 11, c'est le suivant. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه البخاري ومسلم والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. Donc le hadith en question s'est rapporté selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Et Anas ibn Malik, vous le connaissez, c'est le servant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa kunya, c'est Abu Hamza. Il a eu beaucoup d'enfants, il a vécu très longtemps, presque 100 ans. Hein? Et il a eu beaucoup de richesses aussi. Il avait deux jardins. Avec des dattiers, hein, des palmiers et tout, et il produisait des fruits deux fois par année. Bon, revenons au hadith. Qu'est-ce qu'il dit, le hadith? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il rentrait dans Al-Khala, c'est-à-dire l'endroit où on fait nos besoins, il disait, « Ô Allah, je cherche refuge en toi contre les djinns, mâles et femelles. Je cherche refuge en toi contre les djinns, les shayatins, mâles et femelles. » اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يعني ما بتدفي منا يكون الدعاء. donc le mot خبث c'est avec le dhamma sur le kha et sur le ba. من الخبث والخبائث et الخبث c'est le pluriel de خبيث et Khaba'ith, c'est le pluriel de Khabitha. Khubuth, c'est le pluriel de Khabith. Et Khaba'ith, c'est le pluriel de Khabitha. Et ça veut dire, comme c'est mentionné par le Cheikh, il explique, que ça veut dire de chercher refuge en Allah contre les mâles et les femelles parmi les diables. Naam. Ensuite, il explique les termes qui sont mentionnés dans le hadith, encore une fois plus en détail. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني إذا أردت قراءة القرآن. Donc, lorsqu'il rentre dans l'endroit, c'est-à-dire dans la toilette ou l'endroit où il veut faire ses besoins, c'est-à-dire lorsqu'il veut rentrer, lorsqu'il a l'intention de rentrer, lorsqu'il a la volonté de rentrer. Comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 98 dans Surat al-Nahl, il dit « Lorsque tu récites le Coran, recherche le refuge d'Allah contre le shaitan qui est lapidé. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire « Lorsque tu veux réciter le Coran. » C'est ça que le cheikh explique. Après, il dit kama sarraha al-Bukhari fi al-adab al-mufrad bihadha. Donc, il dit que l'imam al-Bukhari, il a dit ça de façon explicite dans son livre al-adab al-mufrad. L'imam al-Bukhari, dans son sahih, il a un chapitre qui s'appelle al-adab. Al-adab. Et dans ce chapitre, il y a tout ce qui a rapport avec les bonnes manières et le bon comportement. Okay? Mais il a écrit un autre livre séparé de son sahih. Et on l'appelle Al-adab Al-mufrad. Et on l'appelle Al-mufrad justement parce qu'il est séparé de Sahih Al-Bukhari. D'accord? Et ce livre-là, il existe aujourd'hui, il est publié même. Et les ulama même ils font des explications de ce livre Al-Adab Al-Mufrad. Toutefois il est important de savoir que dans Al-Adab Al-Mufrad il y a des hadiths qui ne sont pas sahih parce que c'est pas le même que Sahih Al-Bukhari. Donc il y a des hadiths sahih et il y a des hadiths daif dedans. Et Cheikh Al-Albani il a fait le tahrij et le tahqiq, oui, Al-Mufrad, c'est-à-dire il est séparé. Al-adab al-mufrad. C'est-à-dire que quand tu le traduis, quand tu dis mufrad et jam'a, ça c'est dans le contexte de la grammaire, tu expliques dans ce sens-là, ça veut dire ça. Mais mufrad, c'est-à-dire, il est. C'est comme si il est. Il est comme mufrad. C'est-à-dire il est tout seul. Tu vois? C'est-à-dire Adab al-Mufrad. Isolé. C'est-à-dire qu'il est pas il fait pas partie des chapitres de Sahih al-Bukhari. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il y a deux Adab. Il y a le Kitab al-Adab dans Sahih al-Bukhari, qui fait partie des chapitres de al-Bukhari, de Sahih al-Bukhari. Tandis que celui-là, non. Et c'est un Adab tout seul. Al-Mufrad. C'est pour ça qu'on l'a appelé al-Mufrad. Donc c'est ça. Après, il dit que l'imam al-Bukhari a dit ça, que ça voulait dire que lorsque tu veux rentrer, ok. حيث روى عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال وذكر un hadith al-bab. Donc dans Al-Adab al-Mufrad, il a rapporté le hadith selon Anas, puis il a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait rentrer dans le khala, donc ça vient, ça vient après il a cité le hadith qui est mentionné ici. Après il dit al-khala, qu'est-ce que c'est al-khala? Bil-mad, al-makan al-khali. En arabe, al-khala, ça veut dire un endroit qui est vide. C'est ça que ça veut dire. Al-khala, c'est un espace vide. Ok? C'est ce qu'on appelle khala. Al-khali. Khali, ça veut dire quelque chose qui est vide. Wa huna al-makan al-maqsoud wal-mu'ad li-qada' al-haja. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'avant, il n'y avait pas des toilettes comme maintenant. Les gens allaient pour aller faire leurs besoins quelque part éloigné. Hein, quelque part qui était loin pour s'écarter des regards des gens, puis ils faisaient leurs besoins dans cet endroit-là. Donc il n'y avait pas nécessairement des toilettes spéciales comme à notre époque. Hein. Même dans la maison, il n'y avait pas de toilettes dans, à l'intérieur. Les gens sortaient dehors de leur maison pour faire leurs besoins. Oui, parce que pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des égouts, il n'y avait pas des trucs comme ça. Donc il n'y avait pas une chasse avec de l'eau qui envoie toutes les saletés dehors directement, tu vois. Al-Khala, ça veut dire un endroit vide. Un espace vide. Naam. Des fois, on dit Al-Fada ou Al-Khala. Al-Fada, c'est comme le désert, un endroit désert. Al-Khala, c'est un endroit désert aussi, un endroit vide. Où il n'y a personne. Un endroit où tu vas être tout seul dedans. Hein? Un endroit où tu vas être seul. Et donc c'est ça. Il dit que c'est l'endroit qui est préparé pour faire nos besoins. À notre époque, c'est les toilettes. À notre époque, c'est les toilettes. D'accord? Comme tu dis en Haïti, qu'est-ce qu'on appelait les latrines? Hein? Où, c'est-à-dire une petite boîte qui est en arrière de la maison ou un peu éloignée, les gens vont dans cette boîte-là, il y a un endroit pour faire ses besoins. Et pourquoi les gens ne faisaient pas leurs besoins dans la maison? Parce que ça sentait mauvais. Ils ne veulent pas les choses qui sentent mauvais à l'intérieur de leur maison. Hein? Puis il n'y avait pas moyen de s'en débarrasser comme aujourd'hui. Aujourd'hui dans nos maisons, tu tires la chasse et puis il n'y a plus rien qui reste. Et les mauvaises odeurs s'en vont. Hein? Donc c'est ça la différence. Naam. Donc c'est ça. Al-Khala, c'est l'endroit où tu es tout seul, où il n'y a rien. Hein? Et c'est l'endroit qui est spécifié pour faire tes besoins. Il dit فَإِنْ قَصَدَ فَضَى كَسَحْرَى لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu parles de l'endroit où tu as fait ton besoin comme étant un endroit vide ou un endroit désert, donc c'est un espace ouvert, il n'y a pas de besoin dans ce cas-là d'interpréter l'entrée par le fait de vouloir rentrer. Tu dis directement le fait d'aller faire tes besoins, d'aller à cet endroit-là. Le point numéro 3, al-khubuthi wal-khaba'ith. Al-khubuth, dubita bi dhamm al-kha wal-ba. Kama dhakara al-musannif. Wa ma'nahu dhukur al-shayatin. Wa dhabatahu jama'a bi iskan al-ba. Wa ma'nahu ala hadha yakunu al-shar. Wa huwa ma'nan jami'. حيث قد استعاذ من الشر وأهله وهم الخبائث فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام. Ok, donc il dit que comme l'auteur du livre, le Cheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi, lui il a expliqué que le mot khubuth ou al-khabaith, quand il a expliqué, il a dit min al-khubuth avec le dhamma sur le kha et sur le ba. Ça, c'est une façon de le dire. Il y a d'autres savants, parmi les savants, qui ont mis un sukun sur le ba. Donc, ils ont dit al-khubthi. Hein? Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Donc, si tu mets un sukun sur le ba, ça change la signification. au lieu d'être les mâles d'entre les shayatines, ça devient la signification du mal, c'est-à-dire le mal. Donc, oh Allah, je cherche refuge en toi contre le mal, hein, al-khubs, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais. Et al-khaba'ith, c'est-à-dire les gens qui font le mal. Ok? Donc ça, c'est, si tu le prononces, au lieu de dire khubus, tu dis al-khubs, eh ben, ça donne ce sens-là. Et les deux sont corrects. Hein? Les deux sont corrects. Sauf qu'il faut comprendre la différence du sens pour les deux. Ok? Et après, il dit, وَالْمَعْنَ الْإِجْمَالِ الْمَعْنَ الْإِجْمَالِ أَنَّ أَنَسَ بِنْ مَالِكَ الْمُتَشَرَّفْ بِخِدْمَةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضاء حاجته وهو أنه صلى الله عليه وسلم من كثرة التجائه إلى ربه لا يدع ذكره والاستعانة به على أي حال. Donc le cheikh, il dit la signification générale de ce hadith, qu'il dit que Anas ibn Malik, celui qui a été le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui le servait tout le temps, il a mentionné que, il nous mentionne que parmi les manières du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il allait faire ses besoins, c'est que, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours en train de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de demander son aide. Et même dans cet état-là, c'est-à-dire même quand il allait pour faire ses besoins, peu importe la situation, il demandait toujours l'aide d'Allah et se tournait toujours vers son Créateur. Et donc ça nous montre qu'il était toujours dans le rappel d'Allah, puis dans l'adoration d'Allah et le rappel. Et il dit... Donc ça fait partie des exemples de dua qu'on doit dire quand on va faire nos besoins avant de rentrer dans l'endroit où on va le faire. Et je pense, Allahu a'lam, mais je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui connaissent pas ce dua. Des fois on oublie, à force de le faire, si on le fait par habitude, après des fois on commence à l'oublier. Mais c'est correct, mais c'est-à-dire que le doigt, tu as besoin de le faire parce que tu rentres dans un endroit où tu vas faire quelque chose qui est pas pur, et un endroit où en général c'est la maison où habitent les diables, hein, l'endroit où habitent les shayatines, c'est les toilettes, les endroits sales. Donc il est bon de toujours se rappeler d'Allah avant de rentrer dans ces endroits-là, justement pour se protéger contre les shayatines et pour se préserver d'eux. Et c'est l'endroit aussi où on découvre une part de notre nudité, donc également c'est bon de mentionner le nom d'Allah à l'avance pour justement écarter les djinns et les shayatines. Il dit فَهُوَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْمَكَانَ الَّذِي سَيَقْضِي فِيهِ حَاجَتَهُ إِسْتَعَذَ بِاللَّهِ وَالْتَجَأَ إِلَيْهِ أن يقيه من الشر الذي منه النجاسة وأن يعصمه من الخبائث وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوف بالعناية يخاف من الشر وأهله فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا. Donc il dit le cheikh que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait rentrer dans l'endroit dans lequel il va remplir ses besoins et faire ses besoins, il cherche le refuge d'Allah et il se tourne vers lui pour avoir sa protection contre le mal, et parmi ce mal il y a l'exemple de l'impureté, et pour le protéger contre les gens du mal ou les choses qui amènent du mal comme les diables qui essaient à tout instant et dans toutes les situations de lui corrompre son adoration et sa religion. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on sait qu'il était enveloppé de la protection d'Allah et de son attention, si lui il craignait le mal et les gens du mal, alors on doit, nous, de notre côté, faire encore plus attention à ce genre de choses et prendre encore plus de précautions pour yani, nous protéger de notre ennemi. Naam. Et il dit ensuite, وَمِمَّا يُخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ, et on va terminer avec ça, il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith comme point bénéfique et comme chose importante? Il y a trois choses. Il y a trois choses. الأول استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته. Donc, qu'il est recommandé, premièrement, de faire le dua lorsque tu veux rentrer dans l'endroit où tu vas faire tes besoins pour être protégé contre les diables qui veulent essayer de corrompre ta salat. Deuxièmement, إن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد فيستعيذ منهم ليتقي شرهم. Donc il dit que parmi les choses que les diables font pour te faire du tort, c'est qu'ils essaient de causer ou de faire en sorte que tu te salisses, hein, que tu mettes de l'impureté sur toi ou sur tes vêtements, pour corrompre ta salat et pour que ta salat soit pas valable. Alors on cherche le refuge d'Allah contre eux pour se protéger de leur mal. Et le point numéro 3, wujub ijtinab an-najasat wa'amal al-asbab al-munjiyah minha faqad sahha an adam at-taharruz min al-bawl min asbab adab al-qabr. Donc le cheikh il dit que dans ce hadith on trouve également l'obligation de s'écarter des impuretés et de faire tout ce qui est nécessaire pour s'écarter des causes, c'est-à-dire de prendre tous les moyens nécessaires pour s'en sauver ou en être épargné, c'est-à-dire pour être épargné des impuretés, parce qu'il a été rapporté de façon authentique que le fait de ne pas se protéger de l'urine lorsqu'on urine et de ne pas se préserver des gouttes d'urine, eh bien ça fait partie des causes du châtiment de l'enfer, du châtiment de la tombe. Ça fait partie des causes du châtiment de la tombe. Donc il est important de se préserver de ce genre d'impureté là. Le point numéro 3, c'est que il est obligatoire de s'écarter des impuretés, et que le fait de s'écarter, il faut faire tout ce qu'on peut comme moyen pour s'écarter de ces impuretés là parce qu'il a été rapporté de façon authentique que de se préserver de l'urine, c'est parmi les c'est-à-dire si tu te préserves pas des gouttes d'urine, c'est une des causes du châtiment de la tombe. Il y a un hadith qui mentionne ça, et même il fait partie des hadiths qui sont mentionnés justement dans le livre Amdatul Ahkam. Plus loin, il y a la mention de ce hadith-là. Donc, lorsqu'on arrivera à ce hadith, on l'expliquera, Inch'Allah. C'est le hadith 16. Le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est passé près d'une tombe, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces deux-là sont, il y a deux tombes, et les deux sont en train d'être châtiés. Et il dit, ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de gras. Il dit, un d'entre eux, il ne se préservait pas de l'urine. Et l'autre, il propageait des médisances et des rumeurs. Donc c'est ça le hadith en question. On va y revenir de toute façon dans les cours qui vont suivre. Donc ça c'est le hadith, le cours numéro 8. Le prochain cours ce sera le cours numéro 8. Ok. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.